OK, Tino, l'avenir dans les mots. Pour mes frères et sœurs, pour mes frères et sœurs. Pour commencer, je viens dédier à mes potos et ceux qui viennent de la T6. Si t'as téléchargé le CD, y'a pas photo, sache que je t'apprécie. Cette musique, elle est pour toi, que tu sois de Paname ou tu es un 3. Sache que c'est mon cœur qui parle et ce n'est rien d'autre que pour toi. Je dédicace à ceux qui m'encouragent à avancer. Je laisse des traces aux entourages qui m'encouragent à rapper. Sache une chose, que dans cette terre, ce qui me fait peur, c'est la mort. Car cette musique vivante et j'en fais de moi mon trésor. Je dédie à la famille ainsi qu'aux amis rappeurs. À ceux qui touchent la famine, à qui la vie bordée de pleurs. À chaque dépit, à ceux qui t'aident et ceux qui te critiquent. Car ça, c'est pour ma mère. Je t'aime, t'apprécie ma musique. C'est dit que pour mon frère qui ne croit pas encore en moi. Sache que c'est mon cœur qui parle. Et de rapper, j'en ai la foi. J'en ai la foi. C'est dit que pour mes frères et sœurs. Dans la joie, dans la rancœur, j'en ai la foi avec le cœur. Je dédie à mes frères et sœurs. En avançant dans le malheur, en continuant dans le bonheur. Je dédie à mes frères et sœurs. C'est dit que pour mes frères et sœurs. Dans la joie, dans la rancœur, j'en ai la foi avec le cœur. Je dédie à mes frères et sœurs, en avançant dans le malheur, en continuant dans le bonheur, je dédie à mes frères et sœurs. Cette musique est pour mon père qui n'aime pas trop me voir dans le rap. Sache que le sens de ma vie est simplement de viser les bacs. Ma dédicace, mon cœur, cette musique des jeux de mots. Regarde en face, c'est comme une route, c'est l'avenir dans les mots. J'ai donné tout ce que j'avais, un cœur ainsi que des pensées. Cette musique pour te prouver qu'il s'est forgé un talent du rap français. Je me suis toujours surpassé, même dans les moments difficiles. Mon stylo a bien coulé, car mes rimes sont pas faciles. Cette musique pour mes parents ainsi que pour tous mes proches. Je te rappelle, j'ai 17 ans, ici j'avoue que c'est pour mes potes. Je fais du combat avec ma rime, histoire de trouver le bonheur. Dino G13, trouver sa gloire, tout comme Jérôme le banner. Je rêve de ma première scène, car je me languis trop. Dino, laisse tomber ses peines, viens te parler au micro. L'avenir dans les mots. C'est ziqué pour mes frères et sœurs. Dans la joie, dans la rancœur, j'en ai la foi avec le cœur. Je dédie à mes frères et sœurs. En avançant dans le malheur, en continuant dans le bonheur. Je dédie à mes frères et sœurs. C'est ziqué pour mes frères et sœurs. Dans la joie, dans la rancœur, j'en ai la foi avec le cœur. Je dédie à mes frères et sœurs. En avançant dans le malheur, en continuant dans le bonheur. Je dédie à mes frères et sœurs. Dernier couplet pour te dire que la vie est parfois triste. Raison de plus, c'est pour ce texte ici tu l'analyses. Faut voir qu'à part mes rimes, même si je n'ai rien d'autre, je te fais part de mes sourires ainsi que de mes fautes. La famille, les amis, j'espère que vous m'aiderez jusqu'à la fin. Je ne lâcherai rien, c'est clair, je garde la tête haute en vain. Ma passion exprime sa loi, je te parle avec le cœur. Dieu a décidé, pas moi, de me voir finir à peur. Quand je vais mal, je clash et parfois même je freestyle. C'est donc là je perds mes traces et je vois si je suis de taille. Voir mes parents heureux, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Finir connu dans le rap me permettrait de les enrichir. J'aimerais me voir bien, très aisé. Je ferai la gloire de demain comme très aigué. Je suis toujours allé haut pour satisfaire mes besoins. L'avenir dans les mots, dédicacé à ton prochain. C'est ziqué pour mes frères et sœurs. Dans la joie, dans la rancœur, j'en ai la foi avec le cœur. Je dédie à mes frères et sœurs. En avançant dans le malheur, en continuant dans le bonheur. Je dédie à mes frères et sœurs. C'est ziqué pour mes frères et sœurs. Dans la joie, dans la rancœur, j'en ai la foi avec le cœur. Je dédie à mes frères et sœurs. En avançant dans le malheur, en continuant dans le bonheur. Je dédie à mes frères et sœurs.